très bel après-midi sur la première. Tout de suite, Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Le 7 janvier 2002 débutait sur les antennes de la première l'émission Histoire vivante. 16 années plus tard, et à l'heure d'été, nous vous invitons à vous replonger pour certains et à les découvrir pour d'autres ce que furent ces premières heures. Le nourrisson était né à terme, un peu poupin, certes, mais d'un tempérament fort jovial. L'encrier couleur 3 n'était pas si éloigné. Depuis, la chose a évolué, varié, bref, a continué. Merci de votre écoute, de votre fidélité et bon été à tous. Rendez-vous à la rentrée. On fait la queue chez les armuriers de Johannesburg. Pistolets et armes automatiques ne sont jamais si bien vendus. Histoire vivante, une émission de Jean Leclerc. Il y a des toilettes qui sont réservées aux blancs là-bas, il y a des toilettes qui sont réservées aux noirs. Il fait sale et dégoûtant là-dedans. C'est innommable, vous avez envie de remettre quand vous en sortez. Cette semaine, peuple séparé en Afrique du Sud. La conquête du Transvaal à la libération de Mandela. Aujourd'hui, lundi, les légendes ont la peau dure. Chapitre 1, les quatre éléments. Commençons par l'air. Au début de cette histoire, il y a le Veld. Le Veld, c'est un plateau immense, interminable, d'une monotonie abyssale où les routes filent droit pendant des kilomètres et des kilomètres. Troupeaux d'oryx, de springboks, de koudous. Qui habite là? Quel peuple, quel groupe d'hommes, de femmes a pris possession d'un tel lieu? Au début de cette histoire, sur cette terre lointaine, les premiers sont les Kwazans, des nomades primitifs. Leurs troupeaux sont là depuis des temps immémoriaux. Qui se souvient? Qui pourrait témoigner? Ils sont arrivés là. Ils se sont dit sans doute que les bêtes seraient bien. Quand elles auront paissé toute l'herbe d'une zone, il n'y aura qu'à se déplacer un peu plus loin, et plus loin encore. Cette terre est tellement vaste. Peut-être ne connaît-elle pas de limite. Les Kwazans étaient là depuis toujours. Après l'air, l'eau. Puis un jour de 1652, les Kwazans regardent méduser au loin la grande nappe bleue. Cela fait longtemps qu'ils la guettent du coin de l'œil. Leurs ancêtres leur ont appris à se méfier des grands vents et de la vague qui emporte tout. Ce matin-là est un jour différent. Trois immenses bateaux se dressent face à leur terre, voiles baissées, immobiles. À bord de l'un d'entre eux, Jan van Riebeck, le capitaine, le chef, venu de sa lointaine Hollande. Après un voyage interminable, il regarde cette nouvelle terre, la scrute. La centaine d'hommes qui l'entourent n'a même pas besoin de pointer ses armes. Les indigènes, dès qu'ils les aperçoivent, prennent leurs jambes à leur cou. Après l'eau, la terre. Il faut des semaines aux nouveaux arrivants pour explorer une petite partie de cette contrée immense, mystérieuse. Ils ont repéré que le grand plateau, le Veld, était séparé de l'océan par un escarpement brutal. Certaines montagnes atteignent sans doute les 3000 mètres, ou plus peut-être. Ils n'en ont jamais vu de telles dans leur propre pays. Derrière les montagnes, il y a d'autres terres, tropicales celles-là. Tout semble à perte de vue. Infini. Les Hollandais sont ici avec leurs esclaves, des Malais venus des Indes néerlandaises ou encore des Noirs de la côte orientale d'Afrique. Un jour, Une poignée de ces hommes part tenter sa chance vers l'intérieur des terres, espace inconnu, vierge, infini. Soumis désormais à la seule autorité du Dieu, ce Dieu qui les accompagne partout où qu'ils aillent, ce Dieu qu'ils retrouvent à tout moment niché au cœur de leur Bible calviniste, ces hommes farouches, indépendants, se lancent dans l'inconnu. Ils prennent le nom d'Afrikaners. Après la terre, le feu. Un siècle a passé. L'Empire britannique a conquis le Cap de Bonne-Espérance, un emplacement stratégique de premier ordre. Ils ne vont avoir de cesse de coloniser le reste de l'Afrique du Sud contre les Afrikaners. Les missionnaires de la London Missionary Society se sont installés au Cap et ont ouvert un refuge pour servir de havre aux esclaves maltraités par les Afrikaners. Une enquête sur ces mauvais traitements est ordonnée par le gouverneur. Une tournée s'ensuit, avec tribunaux ambulants, on lui donne le nom de Circuit Noir. Au cours de la tournée, des Afrikaners se révoltent, mettent le feu aux fermes, aux terres. 5 d'entre eux sont condamnés à mort et pendus pour rébellion. La corde cassera une fois. La main de Dieu, elle ne cassera pas une deuxième. Les Britanniques ont aboli l'esclavage. Les propriétaires d'esclaves peuvent être indemnisés, mais ils doivent pour cela se rendre à Londres. Dégoûtés, des hordes de paysans se mettent en marche en d'immenses expéditions. C'est le Grand Trek. Et ceux qui s'y retrouvent sont les Trekbourgs. Chariots recouverts de bâches de toile blanche posées sur des cerceaux, tirés par 4 à 8 paires de bœufs, menés par 2 conducteurs. Ils remontent vers le nord du pays. Ils partent avec leur famille, leurs esclaves, tout ce qu'ils possèdent. Tout est entassé dans les carrioles. Piet Retief, Gert Maritz, Andries Potgieter, Jacob Wyss sont de ceux-là. La traversée des montagnes est éprouvante. Il faut démonter les chariots, puis les remonter après le franchissement des montagnes. Mais rien ne peut arrêter ces émigrants. Leur Ancien Testament leur rappelle chaque jour le roi d'Angleterre et le pharaon. Ils sont le peuple hébreu, le Grand Trek et la sortie d'Égypte. Depuis que leur grand chef, Chaka, a été assassiné, les tribus Zoulous sont sur le pied de guerre. L'arrivée de ces colonnes de chariots leur déplaît fortement. Mais le chef blanc a demandé à venir parlementer. Le grand chef Zoulou, le nouveau, Dingaan, accompagné d'une centaine de guerriers, rencontre le chef blanc et ses hommes. Naïfs, imprudents, les blancs ignorent que les Zoulous leur ont tendu un piège. Ils sont assassinés. Le reste de la caravane, soit 282 personnes, hommes, femmes, enfants, subit le même sort. La nouvelle du massacre parvient aux autres convois. Le Natal est aux mains des Zoulous. Y accéder est synonyme de mort. Plusieurs convois sont ainsi massacrés jusqu'au jour de la bataille de la rivière du sang. Ce jour-là, Andries Pretorius arriva au Natal. Nous sommes le 22 novembre 1838. Il décide de contre-attaquer les Zoulous à la tête de 500 hommes. Ils mettent les chariots en rond, ils font un lager, un campement, 64 chariots et 4 canons couvrant les 4 points cardinaux. Le lendemain matin, 10 000 à 15 000 guerriers zoulous attaquent. Après 3 vagues d'attaque, les bourgs font une sortie à cheval et mettent en fuite les assaillants. Les zoulous laissent 3 000 morts sur le terrain. Côté bourg, on prétend encore qu'il n'y eut que 2 morts et un blessé. La rivière est rouge du sang des vaincus. On l'appellera désormais Blood River. Fin de la légende. Colenso Abafana Benkokelo, les garçons de la bonne foi de Colenso. Chant zoulou polyphonique traditionnel. C'était une belle journée ensoleillée. Nous avons bu l'eau cristalline de la rivière. Avant d'être appelé Blood River, elle aussi, était cristalline et belle, et les Zoulous venaient s'y rafraîchir. Chapitre 2. Ah ben non, la légende se poursuit. Oui, et voilà. C'est ainsi que longtemps, très longtemps, aujourd'hui encore, l'histoire héroïque des premiers colons d'Afrique du Sud fut racontée. C'est ainsi que les Nianfans, les petits Nianfans, têtèrent dès leur premier bib la culture nourricière de la race vaillante et héroïque. Et ça nourrit. Côté anglais, on a élevé les lignées de chères têtes blondes dans le plus pur sillage de l'histoire impériale britannique. Des officiels chargent les étagères d'histoire de l'Afrique du Sud, collection intégrale, nombre de volumes infinis et reliés et lourds, dans tous les cas indiscutables. À eux seuls, ils brassent une quantité énorme d'archives telles George McCallthill, considéré comme le père de la science historique sud-africaine, à Londres et durant 30 ans, il s'attache à écrire l'histoire du triomphe de la colonisation blanche en historien nationaliste dont la nation était l'Afrique du Sud blanche et britannique. Ses interprétations et celles des autres historiens du même courant s'acharnent à bégayer la même litanie. Blancs et noirs sont arrivés ensemble sur la terre africaine et il emballe tout dans un hymne à l'humanisme britannique opposé, bien sûr, à la sauvagerie bestiale de l'Afrikaner. Les Afrikaners qui, eux, nous sommes au XIXe siècle, ne sont pas au bout de leur calvaire. À peine relevés de la bataille contre les Zoulous, voilà-t-y pas que les Anglais rappliquent dans le même coin, c'est-à-dire le Natal, disent non à un état bourg indépendant et annexent l'endroit. Ça se rétablira plus tard avec deux états indépendants, chacun chez soi, les chèvres seront mieux gardées. Les bourgs ont promis de ne pas rétablir l'esclavage. Bon, ils ont bien les serviteurs, mais c'est pas pareil, hein. D'abord, ça porte pas le même nom. Ceci étant, les premiers textes officiels de la République du Transvaal stipulent qu'il faudra éviter, surtout éviter, l'égalité entre les gens de couleur et les blancs au sein de l'Église et de l'État. Alors, tout va bien aller, enfin, bien, cas un cas, hein, comme la vie va. Jusqu'à ce jour de 1867. Chapitre 3. Un sous-sol qui brille, une terre qui saigne. Ce jour-là, au gisement de Kimberley, on découvre le premier diamant. Et puis peu après, on apprend qu'il y a un truc tout jaune qui brille du côté du Transvaal. Ça commence par O et ça finit par R. En anglais, ça se dit gold. Inutile de vous faire un dessin, vous l'avez vous-même pigé. Désormais, ça va tout changer. Britanniques et Afrikaners vont s'affronter sans répit, en une guerre impitoyable, comme à peu près toutes les guerres, mais qui, elle, se distingue par le fait que c'est la première guerre de toute l'histoire de l'inhumanité qui ait été filmée. 1899. La guerre dure 2 ans. Les Britanniques brûlent les fermes, les champs et les troupeaux. Ils inventent le fil de fer barbelé. Grâce à ce nouveau système, on peut enfermer des femmes et des enfants et les dissuader de s'évader. Au début du XXe siècle, les Britanniques inventent le camp de concentration. 22 000 enfants y mourront. Dans les années qui suivent, les Afrikaners vivent misérablement réduits à travailler dans les mines et les usines. L'année de misère et de soupe populaire, où on se repasse en boucle la haine de l'anglais. On devient pauvre, prolétaire, mais on reste blanc. 1910, on arrive à un accord avec l'ennemi. Le Commonwealth chapeaute le tout. Dès l'année suivante, on commence à rédiger les premières lois sur la ségrégation, la loi ne faisant comme toujours qu'officialiser une pratique quotidienne. Encore une année, et quelques Noirs issus des sociétés aisées fondent l'ANC, l'African National Congress, pour lutter contre cet état de fait. Ils se fendent d'un aller-retour pour London afin de tenter d'obtenir le droit de vote pour les Noirs. La couronne leur répond qu'ils peuvent aller jouer aux billes et les raccompagne illico sur le premier bateau. Il faut dire que si Londres avait accepté une pareille proposition, elle aurait été en parfait désaccord avec ce qu'elle va promulguer ensuite, répartition des terres de l'Afrique australe. 5% iront aux Noirs, aux Métis, aux Indiens, la racaille quoi, le reste à la civilisation. God save the Queen. Parenthèse, mais vous l'aviez compris par vous-même, les mines d'or et de diamants ne sont bien sûr pas sur les 5% de territoire attribué à la racaille. Hein, manquerait plus qu'ils aient le minimum d'entretien et le maximum de profit. Chapitre 4. Le petit blanc devient rouge. Dans les années 20, ça barde entre les pauvres blancs et les pauvres noirs. Ces derniers sont les moins payés, du coup ils sont aussi les plus sollicités, manifs, bagarres, pendaisons. Les noirs régressent un peu plus socialement. Côté Afrikaners, on envoie le petit faire son éducation en Europe, pas chez les capitalistes anglais bien sûr, hein. Non, chez les Allemands. Tiens, coup de peau, il y a un ancien peintre moustachu qui dans les années 30 préconise une solution assez radicale sur la question du peuple et des nations. En Afrique du Sud se crée un parti, inspiré de tout cela, le national-christianisme. C'est le bon docteur Malan qui va en devenir le leader. Après-guerre, alors que l'Allemagne digérera son Reich dans l'agonie, le bon docteur prend le pouvoir en Afrique du Sud. Maintenant que la guerre est finie, nous pouvons enfin retourner dans notre cher vieux Transvaal, nous dit l'extrait de cette chanson qui berce le cœur des Afrikaners des années 40. Un autre bon docteur, le docteur Verwoerd, il devient premier ministre. C'est le théoricien de l'apartheid. On l'écoute à présent. Our policy is one which is called by an Afrikaans word apartheid. Notre politique, appelée apartheid, d'après un mot afrikaner, a été souvent mal comprise. On pourrait aussi bien dire, et peut-être mieux la décrire, comme une politique de bon voisinage. Acceptons que les différences existent entre les peuples. Malgré ces différences, qu'il faut admettre, nous pouvons vivre ensemble, nous entraider, mais nous n'y parviendrons qu'en nous comportant en bons voisins. Traduction, Banania, là-bas, c'est chez toi, ici tu n'y viens que pour travailler, alors arrête de te plaindre ou je t'interdirai de palper la femme blanche que tu désires tant et tant. Banania, évidemment, se révolte. 1950, s'il veut passer la bague au doigt à madame, il pourra désormais aller se brosser. Les relations sexuelles sont également interdites entre blancs et non-blancs. Il n'y a plus qu'à classer la population par catégorie raciale et on y verra plus clair. L'Afrique du Sud des années 50, la radio, votre radio, veut la connaître. En 1952, un reporter, Serge Yves, y part avec tout son barda. De retour, il répond à une interview de Roger Dupasquier, figure emblématique de l'époque. Alors attention, c'est du 78 tour maison. On tourne la manivelle, on pose l'aiguille sur le sillon et on fait tourner. Serge Yves, journaliste et grand voyageur, rentre d'Afrique du Sud où il est allé faire une enquête pour un grand quotidien français. Il est venu confier à notre micro ses impressions et ses réactions d'Européens face aux problèmes des peuples d'Afrique australe. Eh bien, s'il me fallait qualifier l'Union sud-africaine, je dirais que c'est avant tout une croisée de chemin. Là, en effet, convergent toutes les routes aériennes africaines et d'autre part les routes maritimes qui relient l'Occident à l'Extrême-Orient. Là encore, affluent surtout depuis la fin de la guerre, les capitaux anglais et américains en quête de position de repli et de placement sûr. D'autre part, en cas de conflit, la Méditerranée n'étant plus une mer sûre, l'Afrique du Sud serait appelée à jouer en quelque sorte, sur le plan stratégique, un rôle de tout premier plan. Mais n'est-elle pas aussi avant tout un carrefour des races ? Oui, on y trouve évidemment des Anglais et des Afrikaners du côté blanc et du côté indigène, des Indiens, des Métis qu'on appelle là-bas des Coloureds et des Noirs, proprement dit. En fait, toute la vie politique et sociale de l'Union sud-africaine est dominée par la question raciale. C'est là un fait indiscutable et dont il faut absolument tenir compte lorsqu'on entend émettre une opinion ou porter un jugement sur des méthodes de gouvernement qui soulèvent actuellement, en Amérique comme en Europe, d'assez vives critiques. En quoi consistent exactement ces méthodes ? Mais depuis que, succédant au maréchal Smuts, qui est le leader du Parti uni et un anglophile éprouvé, le docteur Malan s'est installé au pouvoir, le nouveau cabinet nationaliste de Pretoria a pris à l'égard de la population de couleur un certain nombre de mesures draconiennes qui ont été et qui sont encore sévèrement commentées par l'opinion mondiale. À tort ou à raison, on s'insurge contre des lois qui, toutes, tendent à reléguer les Noirs hors de la communauté européenne et à les maintenir dans un état de dépendance notoire vis-à-vis des Blancs. Il est exact qu'en Afrique du Sud, les non-européens, comme on dit, sont soumis à un régime social extrêmement sévère, qu'ils ne votent pas, qu'ils sont contraints de vivre dans des quartiers spéciaux qu'on appelle les townships, qu'il leur est interdit de circuler la nuit sans laisser passer, de fréquenter les restaurants, les hôtels et de monter dans les tramways réservés aux Blancs. À propos de tramways, je peux vous dire par exemple qu'on a dû munir certains d'entre eux de grillages pour les protéger contre les jets de pierre. Il s'agit des trams qui traversent les quartiers noirs d'Alexandra et d'Orlando, quartiers qui ne sont pas du tout recommandables. Enfin, tout cela est vrai et tout cela découle d'un principe avoué, proclamé, revendiqué, qui est le principe de la ségrégation, c'est-à-dire de la séparation totale, absolue des races. Il y a les Blancs et il y a les Noirs, aucun contact entre ceux-ci et ceux-là. S'agit-il là d'une politique nouvelle instaurée par le gouvernement Malan ? Eh bien, contrairement à ce qu'on croit d'une façon générale, cette attitude n'est pas nouvelle. Ce n'est pas le chef du Parti nationaliste, le docteur Malan, qui a inventé la ségrégation. On peut dire en somme que depuis l'accession au pouvoir des nationalistes, il y a eu une sorte de raidissement brutal dans la position traditionnelle des gouvernements sud-africains vis-à-vis des problèmes d'ordre racial. Qu'est-ce qui, selon vous, justifierait, Serge Ibe, ce changement radical ? Eh bien, on peut l'expliquer par le jeu d'une réaction de défense contre l'envahissement des races de couleur qui menace aujourd'hui de submerger littéralement un pays jadis colonisé par les Blancs, un pays qui est habité depuis plus de deux siècles par une communauté européenne fidèle à la civilisation occidentale et profondément attachée à ses traditions d'origine. Y a-t-il véritablement une telle disproportion numérique ? Oh oui, les chiffres parlent d'eux-mêmes d'ailleurs. Il y a maintenant en Afrique du Sud plus de 8 millions de Noirs pour 1800 000 Blancs environ. C'est-à-dire que les Noirs, ils sont presque 4 fois et demi plus nombreux que les Européens et ils continuent de proliférer à une cadence incroyable alors que la natalité blanche demeure stationnaire. Parallèlement à cet état de choses. Oui, bah, quand on commence à dire que l'indigène prolifère, hein, faut s'attendre à le payer d'une façon ou d'une autre. Enfin, voilà déjà un premier aperçu historique de l'Afrique du Sud. Il sera complet quand on aura jeté une oreille à ce qui se dit à cette même époque sur l'apartheid aux Nations Unies. C'est dans quelques instants. Dans les années 50, Nico Carsten était reconnu comme le vrai authentique héritier de la musique traditionnelle boer. Remanié et modernisé, ce chant est certainement l'un des plus populaires en Afrique du Sud, comme Waltzing Maria pour les Australiens. Ramenez-moi dans mon beau Transvaal, je veux revoir ma sarie. Nous marcherons au travers des champs de blé et nous asseoirons à l'ombre du même arbre, là-bas, avec ma sarie et marais. Mark whoop on high. wir das sehen. Sie hätten die Weg von die Mauer vier verwohnt, noch vor die Urloch Chapitre 5. Pour dire vivre séparé en néerlandais, dites apartheid. Oui, en ces années 50, l'Afrique du Sud commence à être observée comme un endroit où on ne respecte pas les règles du tout. Europe et même Amérique désignent du doigt les grands méchants. Après tout, c'est toujours plus facile de désigner quand on connaît soi-même la question. Bref, l'apartheid en Afrique du Sud est évoqué aux Nations Unies. Cette archive est datée du 19 novembre 1952. Même opération qu'avant, manivelle, sillon, c'est parti. Les conditions atmosphériques ne nous permettent pas ce soir de retransmettre le reportage quotidien radiodiffusé depuis New York sur les travaux de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Voici les dernières nouvelles de l'Assemblée Générale. Après un long débat qui a duré près d'un mois, la Commission politique spéciale a terminé la discussion générale de la question du conflit racial en Union sud-africaine provoqué par la politique d'apartheid du gouvernement de M. Malan. On sait que cette question revient chaque année aux Nations Unies, bien qu'un grand nombre de pays affirment que la discrimination raciale qui règne en Union sud-africaine, aussi regrettable soit-elle, n'est pas du ressort de l'Organisation des Nations Unies et qu'elle constitue une ingérence dans les affaires intérieures de l'Union sud-africaine. Toutefois, jusqu'à présent, la majorité des États membres des Nations Unies en a décidé autrement. Mais les recommandations sont restées lettres mortes. L'Inde, appuyée par de nombreux pays, a déposé un projet de résolution qui, dans son esprit, doit permettre de trouver une solution satisfaisante à la situation faite aux non-européens en Union sud-africaine. C'est ce projet lui-même qui va venir maintenant en discussion en commission politique spéciale, bien que le gouvernement sud-africain ait déjà fait savoir qu'il ne s'estimera pas tenu par les recommandations des Nations Unies à ce sujet. Elle est encore toute jeune, l'Organisation des Nations Unies. Elle n'a jamais que 4 ans. Elle est sans doute propre, mais elle n'a pas encore fait toutes ses dents. La rédaction du mode d'emploi est loin d'être achevée. Tenez, au cours de cette même session, voilà comment est évoquée la question de l'autonomie des pays. La commission de tutelle vient d'adopter un projet de résolution posant les principes susceptibles de déterminer si un territoire est ou n'est pas autonome. Ce projet signale que chaque cas d'espèce doit être examiné et tranché en tenant compte des circonstances qui lui sont propres et créer un comité spécial qui aura, entre autres tâches, celle d'examiner la possibilité de définir la notion d'autonomie et d'élaborer des principes permettant de décider si le principe des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes est garanti. Ce projet a été adopté par 34 voix contre 12, avec 8 abstentions, 6 délégations étant absentes. Parmi les délégations qui ont voté contre le projet, se trouvent la plupart des pays occidentaux. Voilà, demain on fait un bond dans le temps, nous serons dans les années 70, l'Afrique du Sud va plonger dans les convulsions à Soweto. Vivante, une émission proposée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV et les archives de la RTS. avec aujourd'hui Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacher et Thierry Châtel. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première, il est 14h.